rester jouer les polyvalents. Mais je sais faire qu'exploiter ce maudit talent. Comme ça paye pas de faire les choses à moitié. Et que je veux rester entier, je garde mon rôle. Respect aux bandits valables. Sous le hall, la merde devient lavable. Sous stress chaque jour, je le prends à la vibe. Comme le man à vrai dire, je rate jusqu'à miquer les ongles. Ça m'évite d'en griffer un. J'ai le cerveau truffé de joint. De façon, je reste calme. Plein de chrome, graineux, fashion. Seraient les sirènes en façade, j'aurais kiffé faire plein de trucs à la fois. Le temps me nique mal à chaque fois que je l'affronte. Ma passion me pousse à la voix, ma merde pousse à la faute. Tous les jours, fin de mois, même si on parle dans des beaux téléphones, j'ai qu'une vie. Donne pas de prix, t'as craqué, trop de refus. Chitandi lui fait trop de caprices. Oh my, des dégâts monstres, c'est bon son casse précise. Encore un gars précis, dis-lui que j'ai qu'un corps. Je passe plus dès le sort, un deuxième corps. Et l'autre arrête de stresser. Faudrait un corps pour dîner massif, un autre pour aller en zonze. Un corps pour ma guerrière, un autre pour démonter les ous. Un pour jouer au con, un pour mourir sans cause. Un corps pour qui me grille, un autre pour gêner. Faudrait un corps pour dîner massif, un autre pour aller en zonze. Un corps pour ma guerrière, un autre pour démonter les ous. Un pour jouer au con, un pour mourir sans cause, un corps pour qui me grille, un autre pour qui. Qu'est-ce que j'attends pour mettre bien des kills un terrain? Les gants chiens d'espoir manquent pas dans le coin. Putain de merde, boum, j'attends quoi pour mettre bien comme cette pire? J'ai le deuxième corps donc je m'en fous de partir. C'est carré, je monte l'empire. J'suis pas rêve à leur dire. J'm'en vais chiffrer la peur. T'arrêtes, tu me chauffes à parler mal. J'vais t'arrêter fort. Vexcore pour ta vengeance, l'autre pour te punir. J'suis trop dans la rue, mais sa mère j'délire. Dans un délai court, sans capote, j'm'occupe pas à jouir dans les coins sans avenir. Jouer dans l'indélicat. Un manque d'histoire piquante pour le porche. On s'en va tester la flicaille. Calmer la petite caille. S'bouffer en survivant, soulever la maille. D'un coup j'ai levé la mort, j'voulais juste graille. Avec un corps pour dîner massif. Un autre pour aller en zonze. Un corps pour ma guerrière, un autre pour démonter les sous. Un corps pour qui me grille, un autre pour que je n'ai qu'en tous. Un corps pour dîner massif. Un autre pour aller en zonze. Un corps pour ma guerrière, un autre pour démonter les sous. Un corps. J'avais que je perdrais la tête à trompe pointe pour Highlander. Va voir ce que je fais de bien comme mes Nike un Thaïlandais. Il me reste qu'un corps, faut bien que sache quoi en faire. Bah ouais. Comme d'hab, je remets à Dieu et son flair. Je dois bien pouvoir être graineux. Noir artiste en même temps père. Si le destin t'empère, je pourrais faire suer longtemps. Puis déjà au ton but. Comme ça j'arrête de regarder l'heure comme une minuterie. Je prendrai une minute puis depuis 5000. La vie une conception, tous des pompes à 90 000. Génération mange debout. Le temps c'est de la maille, c'est bien. En bref, il me reste un corps pour me perdre, le même pour me trouver. Un corps pour tout avoir, le même pour tout gâcher. Un corps pour me détruire, le même pour me payer. Fais chier la vérité, j'aurais kiffé avoir. Un corps pour dealer massif. Un autre pour aller en zonze. Un corps pour ma guerrière, un autre pour démonter les zones. Un corps, corps, corps. Faudrait un corps pour dîner massif, un autre pour aller en zonze. Un corps pour ma guerrière, un autre pour démonter les ous. Un pour jouer au con, un pour mourir sans cause. Un corps pour qui me grille, un autre pour que j'ai qu'en tous. Un corps pour dîner massif, un autre pour aller en zonze. Un corps pour ma guerrière, un autre pour démonter les ous. Un pour jouer au con, un pour mourir sans cause. Un corps pour qui me grille, un autre pour que j'ai qu'en tous. Faudrait un corps pour dîner massif, un autre pour aller en zonze. Un corps pour ma guerrière, un autre pour démonter les ous. Un pour jouer au con, un pour mourir sans cause. Un corps pour qui me grille, un autre pour que j'ai qu'en tous. Un deuxième corps. Phénomène FD, DJ Bon, pas le temps de tout faire, avec un corps. Jamais le temps de tout faire, la vie trop speed, trop de choses. VAM, même pas le temps de passer au VAM. Dors, Boomstar, 9-2, un deuxième corps.